Chapitre 6e. Il était écrit que, du moins, cette terreur d'un nouveau crime commis par la faute de sa chevaleresque fidélité à un engagement insensé serait épargnée à ce noble enfant, et aussi que l'épilogue de cette dramatique aventure donnerait à cette conscience un juste enseignement. De quoi compenser le dangereux prestige émané de la fugitive et de son atroce héroïsme. Le lendemain de cette terrible nuit était pour François de Bessay jour de leçon, de nouveau. Bien qu'encore ébranlé par tant d'émotions et de si fortes, il n'eût voulu pour rien au monde y manquer, de peur d'inquiéter sa mère. Il avait donc fait le trajet de Thun à Berne, et il descendait le grand escalier intérieur, dans la gare de cette dernière ville, lorsqu'un remous de peuple attira sa curiosité. Il frémit. Il venait d'entendre parler de Murène et d'une femme arrêtée. Était-ce possible que sa compagne de la veille eût déjà été prise, malgré l'aide des complices qu'elle semblait espérer à Strettlingen? Jouant des coudes, poussant celui-ci, poussant celui-là, au risque de s'attirer des mots désagréables, il s'insinua de force dans la muraille mouvante que faisaient maintenant les curieux empressés sur le quai de la gare, autour de quoi. Arrivé au premier rang, François put voir, sortant d'un wagon, entre quatre policiers habillés en civil, la fausse Madame Nutsved elle-même, les mains liées, les vêtements déchirés, comme si elle s'était défendue avec acharnement. Sa jolie tête restait fière sous ses cheveux en désordre. Elle la portait haut et fixait la foule de ses yeux arrogants avec un défi qui, soudain, se changea en un indicible mépris. Elle reconnaissait François de Bessay. Elle passa tout près de lui sans le quitter du regard et, crachant à terre, presque à ses pieds, elle jeta simplement cette parole « Judas ». Inintelligible pour tous, mais très claire pour le jeune homme à qui elle s'adressait. Et voici qu'au lieu d'éprouver la furieuse colère de la veille, sous l'affront de cette insulte, celui-ci sentit une détente de tout son être s'accomplir en lui comme une libération. Évidemment, pour lui avoir adressé ce suprême outrage, l'anarchiste russe était persuadé qu'aussitôt rentré à Thun, il avait couru la dénoncer et mettre la police sur sa véritable trace. Il semblait qu'une telle erreur dût réveiller chez lui, qu'elle était la victime, ce désir, ce besoin de s'expliquer, de se justifier, qu'il avait eu si fort durant sa rentrée solitaire en bateau. Eh bien non. Cette fausse image de lui, dans cette pensée et cette sensibilité de révolutionnaire, c'était toute relation rompue entre eux, à jamais, quoi qu'il arrivât, non seulement en fait, mais en idée. Et reprenant le chemin qui devait le conduire à la maison de son professeur, le fils du commandant de Bessay, le descendant de toute une longue lignée de civilisés, comprenait cette vérité profonde. L'effroyable crise morale traversée par lui autour de la parole donnée venait d'avoir fait société avec une ennemie de tout cet ordre social auquel lui et les siens tenaient par toutes leurs fibres. Vis-à-vis de ces barbares, le devoir absolu est de se considérer comme étant toujours à l'état de guerre. François n'avait pas été coupable de tenir sa parole, mais de l'avoir donnée, d'avoir pactisé, fût-ce une minute, et pour le plus tendre des motifs, l'amour filial avec un soldat de l'anarchie. Cette totale méconnaissance de sa personne par la criminelle rompait à jamais ce pacte, et ce lui était presque une joie de sentir qu'elle le méprisait, qu'elle le haïssait. Ainsi s'achève La parole donnée par Paul Bourget.